Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. C'est nous qui sommes de retour, ça fait un moment, et donc on est ravis de vous proposer ce nouveau numéro avec l'équipe au complet ce soir. Nous avons donc May. Et oui, il y a un moment pour vous, une éternité pour moi, mais je suis là. Voilà, le Chapi, il est là également. Bonsoir les jeunes. Et le Kilvan. Bonsoir. Voilà l'équipe, les quatre fantastiques, enfin pas si fantastiques que ça, mais on est là. En tout cas, on en va donc aborder toute une série de sujets ce soir. Et on va commencer par les nouveautés cinématographiques, enfin nouveautés plus tant que ça, mais en tout cas, ça colle totalement à ce dont on voulait parler dans ce genre de podcast. On va commencer avec les reviews. Du film d'animation Broly, donc de Dragon Ball Super, et on enchaînera juste après avec le film Gum, ou enfin Battle Angel Alita, mais Ouais, Gum, c'est bien. voilà, de toute façon je pourrais pas l'appeler Alita, donc c'est pas grave. On va commencer à parler de Broly déjà, donc voilà, qui a été dispo bien avant sa sortie. Et qui a fait plaisir, mais enfin en tout cas, bon, vas-y, je vais te laisser parler, Kilvan, décrire un petit peu le film, et puis après De Broly? ouais, Ok. on Ok, va. bah alors oui, donc moi Broly, je suis allé le voir au cinéma, j'ai attendu, parce que bon, de toute façon, je me dis, il sortait en décembre au Japon, il était sorti en Blu-ray à download, un truc genre fin janvier, Ouais, c'est ça. donc je me suis dit, bon, franchement, pour un mois, on va pas faire l'enfant, et vu que je voulais voir au cinéma de base, donc je suis allé le voir au cinéma, donc ça impacte pas grand-chose, mais on va dire que Non, j'ai. mais honneur à toi, force à toi. Il y a peut-être, bah non, mais même sans dire ça, mais ça a peut-être, j'ai peut-être eu été plus sympa avec le film, parce que c'est jamais la même chose quand tu vas voir un film au cinéma ou que tu le regardes chez toi. Enfin, moi je trouve ça, surtout un film à spectacle, Bah, genre. surtout les scènes de baston, dans à mon avis, ouais, ça devait être pas mal. C'est ça, voilà. Donc en gros. Donc ce film-là, bah, on prend en bulle. Moi, déjà, je vais commencer à dire, déjà, je l'ai bien aimé. Après, je considère que c'est le meilleur film de Dragon Ball de l'époque Dragon Ball Super, quoi. Je le trouve meilleur que Battle of God et meilleur que Fukatsu no F. Je pense que ça, c'est un consensus que je pense à peu près tous ceux qui l'ont vu le pensent. Pour moi, c'est le meilleur film Dragon Ball tout court, moi. Ouais, ça c'est. On reparlera de ça après. Alors, donc grosso merdo, qu'est-ce qui donne l'existence de ce film? Alors c'est ce film et il est. Faut savoir qu'il a une particularité par rapport aux autres films DB. Bon, ça reste un produit dérivé pour vendre des figurines et. Vendre des places de ciné et faire de la pub pour la tête de la licence, hein, donc ça enlève pas le cœur du truc, mais il a une particularité, c'est que c'est un film qui fait partie de la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que les événements qui se passent dans ce film ont lieu dans l'histoire et ont réellement lieu dans l'univers Dragon Ball et sont uniquement décrits dans, en gros, seront uniquement décrits dans ce film. Donc il n'y aura pas d'adaptation de manga de ce truc-là et il n'y aura pas de série d'animation dessus. Donc c'est un film qui est canon à l'histoire et donc ça fait qu'en gros on va voir, c'est comme si on allait voir un peu la suite de l'histoire mais au cinéma. Donc j'ai trouvé que sur le principe je suis pas convaincu, enfin je me souviens pas avoir vu des films un peu qui continuent l'histoire comme ça au ciné. J'en vois pas De dans ma tête, tête. non, j'en ai pas non plus. Que J'en je vois pas, connais. enfin peut-être d'autres séries, je sais pas, mais moi, enfin moi je comme ça de tête j'arrive pas à en retrouver. Donc bon, c'était osé parce que je me dis ça veut dire que peut-être que là ils vont se dire qu'il faut pas faire de la merde. Mais bon, ah, voilà. Donc la première partie du film, ça permet en fait ça introduit en fait une partie de l'histoire que Toriyama n'avait pas traitée dans son manga. Donc du coup il fait enfin, ça a été traité dans des produits dérivés, mais pas dans son manga, donc du coup il en a profité pour le faire. C'est la fin de la planète Vegeta, donc la planète des Saiyans, la planète d'origine de Goku et Vegeta. Et donc du coup un peu l'origine de Goku quand il était enfant et l'origine de Vegeta. Et donc l'origine du nouveau personnage, donc Broly, qui est fortement inspiré du Broly qu'on avait eu dans le film. Des années 90, ouais. Des années 90, je sais plus quelle année il est, je crois que c'est 93 ou comme ça. Donc c'est voilà. Donc les 45 premières minutes du film sont en gros j'ai trouvé ça assez surprenant pour Dragon Ball parce que c'est un niveau un peu au-dessus, même très au-dessus en gros de la moyenne des films Dragon Ball, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même un scénario qui suit bien, on a un découpage assez cinématographique, chose que je trouve c'est paradoxal vu que c'est un film, hein, mais je trouve que justement dans les OAV, t'avais plus l'impression de voir une animation, genre un épisode mieux animé et mieux détaillé, Ah oui. plus qu'un truc de, un film. Là, il y a du, enfin, je vais pas dire, il y a du travelling et tout, limite, tu vois les câbles de la caméra, mais enfin, tu vois, enfin, on a l'impression quand même de, que c'est joué, enfin, que c'est, ça a été fait vraiment, ça a été pensé comme un film, Ouais, quoi. moi je suis d'accord. Donc, du coup, on se retrouve dans les 45 premières minutes, sont vraiment super sympas. Enfin, moi, j'ai vraiment, enfin, moi, ça m'a, j'ai été vraiment bluffé, quoi, surtout que, il y a la version, donc il y a la destruction de la planète Vegeta par Freezer qui est là. Il y a même, alors ça je sais pas s'il l'a fait parce qu'il avait, je sais que Toriyama avait particulièrement aimé le TV special de Badak. Et je ne sais pas si le fait qu'il ne montre pas la scène où Badak se bat dans l'espace contre les guerriers de Freezer, Ouais. mais qu'il montre juste la fin où il essaye d'arrêter en gros la boule de Freezer avec un Kikoa. Je me demande si c'est pas juste en gros pour dire bah, j'avais presque rien d'autre à dire sur cette TV spéciale qui était parfait quoi. Donc je monte juste la fin pour dire que oui Bardock a effectivement essayé d'arrêter Freezer mais c'est tout quoi. Ah ouais, non, il est... Je Enfin, pour... Moi, t'en il est as pensé mythique, quoi de ce moi. passage-là toi? Ah, moi, j'ai... Enfin, j'ai... Moi, j'adore l'OAV de Badak, donc c'est. Je trouve qu'il n'y avait rien à changer là-dessus. Ils ont pris la bonne décision en altérant pas grand-chose. Le seul truc qui est altéré, finalement, c'est le départ de la raison du départ de Sangoku pour la Terre. Mais bon, voilà, on va dire que ça reste un léger détail par rapport à quasiment l'intégralité Bah, de. il montre rien en fait du spécial au final. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il montre juste et en fait voilà, c'est juste pour montrer oui, Badak a bien essayé d'arrêter Freezer, et il s'est juste arrêté à cet élément-là quoi. Donc du coup en fait, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a laissé libre un peu interprétation, dans le sens où enfin, pas vraiment libre interprétation, mais tu peux avec juste les éléments du film, il y a rien qui contredit réellement le TV special Ouais, quoi. c'est ça. Mais c'est après bon, c'est aussi à mon avis par contrainte de temps parce que vu la place que prend la baston de fin dans le film, c'est dur de. Enfin, j'ai trouvé que c'était dur. À la fois, c'était difficile de raconter cette histoire en 45 minutes, et à la fois, je trouve qu'ils s'en sont vraiment plutôt bien sortis. Oui. Ça reste très intéressant, Voilà. narrativement. Voilà, exactement. Donc voilà, donc cette première partie, bon, je pense qu'on est tous d'accord, c'était vraiment bien. Ensuite, on a une petite partie milieu, une petite partie filler où on commence à rencontrer Broly et des nouveaux personnages. Alors, je suis désolé, j'ai oublié leur nom, la Miss Verte et Oui, le bleu pareil. là. Voilà, aucune idée. Je sais pas, Mais ce juste. chapitre, tu l'as vu? Je Ouais, rappelle j'étais le en train de nom. réfléchir, mais je me rappelle absolument pas non plus. Ça m'a tellement marqué. Pourtant, les personnages sont pas nuls. Enfin, c'est des personnages clairement fillers, mais je trouve qu'ils ont eu un petit côté attachant. Enfin, pas Bah, attachant, mais un peu de substance malgré tout. Enfin, t'as quand même. ouais, mais bon. Bah, ce qui est Quand bien, même. tu regardes le film, t'en as rien à foutre des histoires filler, quoi. Tu veux juste qu'ils C'est se sûr. filent, tout court. Oui, non, mais Oui, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont. Enfin, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'ils ont oversexualisé la petite meuf en verte, là. Et du coup, je trouve que c'était. Enfin, c'est un ah personnage qui oui. était attachant, quoi. Il y avait du plan, puis il y avait du plan, ouais, il y avait du Oui, plan, du alors plan, c'était tellement. petit plan boule qui va bien, ouais, non, Ouais, c'était pas mal, ouais. pas trop mal. Donc voilà, donc il y a cette partie filler que moi j'ai trouvé, bah moi j'avoue, enfin j'étais au cinéma, on était entouré de trentenaires de connards et on a rigolé comme des abrutis devant le, enfin quand tu vois le vœu de Freezer et le vœu de Bulma là. Oui, c'est ridicule. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on était dans des ondes positives, parce qu'on était tous des trentenaires qui allaient voir Dragon Ball au cinéma, mais on a rigolé comme des abrutis au cinéma parce que c'est tellement con. Voilà, moi aussi j'ai trouvé ça très con, mais voilà, j'ai Mais bon. c'est mais moi j'ai trouvé ça con, mais c'est tellement Dragon Ball en fait, Dragon Ball, vraiment Dragon Ball quoi, le manga, genre une connerie comme ça, genre que j'ai trouvé que ça passait bien et bon, c'était stupide, mais c'était vraiment tellement stupide que ça passait quoi. Après bon, ça Ouais, c'est non mais un moi non autre. plus ça m'a pas voilà ça. Voilà, c'était rigolo, bon, c'est sans plus quoi. Et ensuite du coup là on va rentrer dans le petit hic. Selon moi, du film, c'est en gros, c'est la deuxième grosse partie. Donc, c'est à partir du moment où Broly arrive sur Terre. Frieza lui dit en gros, vas-y, va casser la gueule à, voilà, va casser la gueule à ce qui est en face de toi. Alors que bien évidemment, c'était soi-disant le Broly pacifique, gentil. Le mec, il arrive sur Terre, il voit deux Saiyans, il est en rude totale, il a envie d'aller leur casser la gueule. Mais oui, Je trouve ça. y a aucune raison pour Et qu'ils se battent, absolument aucune quoi. raison. Hein. Ça, c'était bizarre. Et du coup, après, on a, je dirais, entre 45 minutes et 1 heure de bagarre. Mais et que de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, et de la bagarre jusqu'à la fin du film. Et c'était choquant parce que autant dans les OAV, genre, je pense même que tu regardes le Broly des années 90, il doit y avoir à peu près 45 minutes de bagarre. Mais c'est de la bagarre où il y a des pauses. Il y a des pauses où les personnages se cherchent dans les ruines, ils font des trucs. Et là, c'est vraiment de la bagarre pendant 45 minutes, quasiment ininterrompue. Avec, on te met un personnage, on te met un personnage, une première transformation. Il se bat contre Broly. Broly arrive à le, Broly arrive à se mettre à son niveau. Après, il monte en puissance et ainsi de suite. Enfin, comme dans les, un peu comme dans les autres OAV, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vraiment, ce qui était choquant, c'est que c'était vraiment ininterrompu. C'était une baston ininterrompue de 45 minutes. J'ai halluciné, quoi. C'était pas, c'était limite presque trop, quoi. Enfin, c'était, au bout d'un moment, tu disais, ouais, mais, enfin, ça va s'arrêter à un moment. Enfin, ils ont Voilà, quand même, justement. Attends, Chapi, je veux bien ton avis parce que du coup, j'ai mon avis sur la question et moi, ça a été ce qui m'a définitivement vendu le film. T'en as pensé quoi de la baston, Chapi, de la longueur du déroulement? Alors, pour revenir déjà, le personnage que vous parliez tout à l'heure, c'était Chielai, en fait. Ah oui, là, oui, la petite verte, ouais. La jeune fille toute verte. La baston, pour moi, elle est globalement, elle est plutôt très très bien animée. Et je pense que, en gros, ils ont dû mettre tout le budget dedans, quoi. Attends, mais toi, t'as vu le temps que ça dure, c'est à croire que ça dure Bah ouais, une oui. Bah heure, quoi. après, je pense que les gars se sont clairement fait plaisir. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas d'autres termes. Bon, après, je sais qu'il y avait beaucoup Enfin, moi, je partage pas votre enthousiasme, hein. Je ne suis pas autant hypé que ça, mais en fait, globalement, Dragon Ball, pour moi, ça m'a jamais vraiment hypé comme truc. Et encore moins les films, Ah bah moi qui j'en sont attendais de... mais absolument rien de ce film. Il n'y a aucun film que j'ai aimé de Dragon Ball, donc je peux te dire que je partais vraiment avec zéro. Et pourtant j'aime Dragon Ball, mais j'en avais vraiment rien à secouer. Hein. Mais bon, après, faut bien vous dire un truc, c'est que, bon. La genèse, à mon avis, la genèse du film, c'est Toriyama qui a encore besoin d'argent pour les impôts parce que il se prend redressement sur redressement. Chapitre est dans les dossiers, quoi. Il connaît les dossiers. Ah non, mais attendez, la genèse Dragon Ball Super, c'est ça, hein. Ah ouais, ah, je Enfin, savais je même vais dire, pas. bizarrement, Toriyama passe dans les journaux et il se prend un redressement fiscal parce que, en gros, il a fait n'importe quoi avec son fric. La fameuse photo où vous le voyez en fond noir et blanc avec son jogging dégueulasse, là, en gros, c'était ça. C'est Et DSK qui comme se met les par menottes, quoi. hasard, un mois après, bizarrement, Dragon Ball Super ressort. Et bon, de ce qui a été vu et entendu chez Bandai, en gros, c'est Toriyama se pointait, écrivait sur un morceau de PQ, un morceau de scénar. Et puis après, il disait au gars, tiens, voilà, ça c'est mon idée originale, passe-moi mon chèque et puis je me casse. Hein. Enfin, D'accord. c'est. Et je pense que Broly, bon, bah, officiellement, c'est un des personnages qui est plutôt très apprécié par le public. Occidental en plus, même pas forcément. Ouais, mais voilà. Et puis même, je pense qu'au Japon, Broly est assez aimé, quoi. Enfin, en gros, c'est le gros bourrin, hyper balèze, etc. Donc forcément, ça plaît. Ah, moi, c'est un de mes persos préférés, moi. Et donc, bah voilà, bah Toriyama, il s'est dit, tiens, je vais encore pondre une petite histoire viteuf là, en allant faire caca, et puis je vais prendre mon chèque, et puis au moins, je pourrais acheter je sais pas moi, une hanche en titane à ma femme pour Noël, quoi. Mais Enfin. Chappie, il détruit tout à chaque fois. Mais moi, j'ai des rêves et tout d'enfant et tout, mais à chaque fois, il casse tout, quoi. Il te casse Non, tout. mais, enfin, je veux dire, soyez réaliste, quoi. Enfin, Toriyama, il s'est barré de Dragon Ball Z parce qu'il en avait plein le cul. Et il en avait marre, tellement marre que Bandai le force à pondre des histoires qu'il voulait plus en entendre parler, quoi. Et là, le mec, genre 10 ans plus tard, il revient en disant, ah non, c'est génial, j'ai des super dîners, j'ai pas assez exploité la série, quoi. Non, il l'a fait pour le fric, quoi. Enfin, genre, faut arrêter de délire, quoi. À la limite, la deuxième partie, je suis d'accord, mais la première partie, moi, je trouve que ça se ressent pas comme ça. La première partie du film, moi, je trouve que tu ressens quand même que c'est quelqu'un qui veut quand même réécrire une partie de son histoire. C'est quand même, la partie baston, je suis d'accord, mais la première partie, je sais pas. Enfin, en tout cas, si c'est full pour le pognon, il s'est quand même pas foutu de notre gueule, parce qu'il a quand même fait un truc correct, quoi. Ouais. Non mais attends. Mais enfin, là je suis en train de regarder parce que je vais peut-être dire une énorme connerie. Mais le scénario est de Toriyama ou c'est l'idée originale qui est de Toriyama? Alors ça, Pour moi, c'est le scénario qui est de Toriyama, après. Pour moi, c'est scénarisé par Akira Toriyama, après. Normalement, je vois le scénario. Je regarde sur le site japonais, c'est marqué Ah, scénario. c'est Toriyama qui a fait les... Ouais, il a C'est fait tout. Toriyama qui a écrit. Il Bon, a tout voilà, fait, ouais. déjà Il a tout fait, ouais. ça me rassure un peu parce que ça aurait pu être encore une idée PQ, quoi. Donc, non, après, je pense que le gars, il a quand même. Il s'est pas foutu de la gueule du monde. Après, je suis pas sûr que c'est lui qui écrit les combats, quoi, tu vois. Enfin, il y a un moment Non, où. mais c'est pour ça que pour moi, la deuxième partie, c'est clairement. En gros, à mon avis, Toriyama, maintenant, il y a Broly qui se bat contre machin. Il a dit, en gros, il doit passer en Super Carte Saiyan blanche, God. et puis c'est parti, quoi. Non, à mon avis, il lui a dit, ouais, faut qu'il passe en Super Saiyan God, puis machin. Genre, il leur Oui, ont dit, voilà, c'est genre, ça. sa puissance augmente son machin. Puis après, les animateurs, ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais ça se voyait de toute façon. Puis je pense qu'il n'y en avait pas qu'un seul animateur. Clairement, des phases de. Il y a des Ah, phases voilà, de. c'est ça que je voulais parler. Il y a des phases de, il y a des phases de combat, enfin, dans le combat final, il y a des moments où. Alors, déjà, il y a un truc que j'ai kiffé dans les animations. Ça, bon, après, là, c'est vraiment pur fanboy de connard, hein, mais il y a un truc que j'ai vraiment adoré. C'est qu'il y a des passages de chorégraphie de combat où c'est des arts martiaux, en fait. Oui, Il y a tout à fait. des phases de combat où, en fait, il y a des blocs, des machins, enfin, des trucs qui font penser à Goku qui se bat quand il est dans Dragon Ball, quoi. Parce que concrètement, tu regardes Battle of God et Fukatsu no F, en gros, c'est deux bourrins qui se hurlent dessus à s'envoyer des kikoas. Et il n'y a aucune chorégraphie à part limite faire froncer les sourcils et foncer l'un sur l'autre. Là, il y a vraiment des phases. J'ai trouvé qu'il y avait des phases d'esquive, une vraie chorégraphie de combat. Bah ouais. Et la chorégraphie de combat, c'est d'autant plus visible que du coup, Goku se bat. Enfin, Vegeta, il a un peu un style carré, etc. Et Goku, c'est vraiment un martial. Et Broly, lui, c'est vraiment bête sauvage. Il met des coups un peu n'importe comment pour essayer de mettre les plus grosses pêches possibles. Genre, s'il peut t'en. Il met des bûches, quoi. Il Ouais. s'en bat les steaks. Et ça, je trouve, ça a vraiment rendu. Ça a rendu super bien dans. On va dire la première moitié du combat jusqu'à à peu près au moment où Goku. Passe en Super Saiyan Blue et dit bon maintenant bon va quand même falloir aller sérieusement parce que là ça commence à devenir chaud quoi. Et à partir de cette phase de combat là, en gros on a une deuxième phase de combat où là par contre c'est vraiment c'était open bar, ils ont fait des animations, fallait que ça flash le plus, que ça se fasse qu'il y ait des impacts de malade et tout et voilà quoi. Je vais peut-être te laisser un peu parler de la phase de combat, et puis on Ouais, parlera après juste May, tu l'as vu du ou dernier pas? tir. Le Non, j'ai pas encore eu le D'accord. temps, Ouais, je j'ai voulais pas te encore pris laisser. le temps de le voir, mais enfin, je vous écoute et du coup, j'emmagasine pas mal d'infos parce que Ouais. j'en ai entendu parler par beaucoup de monde. Du coup, mon avis, il est. J'ai envie, mais d'un côté, je suis pas très sûre, donc je sais pas trop. Non, Mais enfin, mais ça motive à par la curiosité déjà. bah, je voulais te laisser parler si jamais Non, t'avais mais vu, on moi, sait jamais. je vous écoute, Mais je vous ouais, écoute, alors attention. moi le bon le je, alors oui, comme je disais, vraiment Dragon Ball Super, à part l'arc de Zamasu qui était vraiment bien travaillé, les autres OZEF intersidéral, c'est ce film, enfin les autres films de Dragon Ball, j'en ai plus rien à cirer. Enfin, à partir du moment où ils ont commencé à mettre 6 7 couleurs de cheveux, je veux dire, pour moi c'était terminé. J'ai toujours été un connard qui vivait que par le manga, donc bon, tout le reste ça m'intéressait pas. Et donc je me suis dit, bon allez, franchement, je regarde pas d'animé, jamais, donc je vais regarder Dragon Ball. Alors bon, la première partie, ok, mais alors, la deuxième, mon gars, en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est même plus un animé, en fait, à la fin. Tu regardes le style graphique, mais ça n'a plus rien à voir avec Dragon Ball. Et je suis pas sûr que tout le monde s'en soit rendu compte, parce que, en effet, ça flash tellement fort à l'écran, et c'est tellement du bourrin sur du bourrin sur du rebourrin. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on part du style de Dragon Ball, et ça va tellement loin qu'en fait, le style, il s'épure de plus en plus, quoi. On passe par des phases mosaïques, des phases pastel et tout. Enfin, ça part dans tous les sens visuellement. Et je suis d'ailleurs persuadé que ces 40 minutes de film là, il y a au moins 4 ou 5 studios qui ont bossé, ou 4 ou 5 dessinateurs qui ont bossé sur la baston. Parce qu'il y a des styles graphiques qui sont tellement différents. Et j'ai dit, il y a vraiment des moments, c'est plus du tout Dragon Ball, hein, mais vraiment plus du tout, quoi. Il y a du moment comics américain, il y a du trait vachement anguleux. Enfin, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball. Et vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'était tellement trop que ça devenait un petit peu. Tu sais, c'est un peu comme quand tu te répètes un mot beaucoup de fois, le mot, il perd complètement son sens, quoi, tu vois. T'as une espèce de. Tu entends le mot phonétiquement, mais il veut plus rien dire. Ah bah là, c'est pareil, quoi. J'ai trouvé que ça pétait tellement que finalement ça devenait un peu tu vois, un patchwork éthéré visuel, quoi. Et ça m'a énormément plu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne demandait même plus de réfléchir, on était vraiment dans le sensitif, quoi, tu vois. Et vraiment, moi ça m'a énormément plu, et vraiment j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir, même si en effet Broly, et la fin du film le confirme d'ailleurs, mais ne se bat pour absolument aucune raison. Je veux dire, ça passe même, alors qu'il n'y a pas d'antagonisme réel dans le film, quoi. Mais voilà, on Bah va. parce, ouais, parce que c'est enfin, c'est presque. Bah ça, je l'emprunte parce que je l'ai lu et je suis assez d'accord. J'ai vu des tweets de mecs sur Twitter qui parlaient. En fait, Broly, c'est presque le héros du film, en fait. Ah oui, bah oui. Non, mais C'est vraiment. et je trouve c'est pas mal résumé parce que c'est vrai qu'en fait Broly au final c'est l'attraction du film mais aussi le propos principal et ouais quasiment le héros du film ouais. Alors que c'est l'antagoniste, c'est ça qui est rigolo. Et oui, parce que c'est aussi l'antagoniste, mais il y a, enfin, voilà, on voit clairement. Bon après, moi, c'est une personne, enfin, c'est un, comment dire, c'est un axe de la personnalité de Goku sur lesquels il force beaucoup trop. Mais Goku, ça fait longtemps, voilà, que c'est plus un adulte. Tu vois, c'est un ado qui aime les challenges. Et là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il se bat même pas sérieusement pendant la moitié de la baston, alors que tout le monde aurait joué sa vie contre un mec qui est aussi puissant, tu vois. Il y a juste ça qui va déranger, c'est que des fois Broly, voilà, il passe à une étape supplémentaire, et là Goku, au lieu de sentir une menace réellement meurtrière, quoi, enfin je veux dire, Broly il a assez de pouvoir pour défoncer n'importe qui, bah Goku il prend encore ça à un niveau ludique, quoi, tu vois. Ça lui fait encore un entraînement, il est bon, il est content parce qu'il trouve Mais quelqu'un. ça, pour moi, c'est une caractéristique que Goku a dans Dragon Ball Super, en fait. Bah ouais, c'est ça, Pas moi ça me dérange vachement. Dans Dragon Ball en fait, parce que tu Oui, regardes oui. justement à la fin de Dragon Ball, c'est pas du tout le cas, quoi. Ben oui, non, mais je sais, mais moi, c'est un côté du personnage. Enfin, ils l'ont fait régresser à un stade adolescent ça me dérange beaucoup, beaucoup. Je suis Mais assez d'accord. bon, à part ça, voilà, tout est OK dans ce film. Donc voilà, bon, on a passé plus de 20 minutes dessus. Mais pour résumer la chose, si vraiment vous avez. Si vraiment vous aimez Dragon Ball, que. Vous avez peut-être pas forcément voulu voir les autres OAV avant. Vraiment, celui-là, c'est le film à voir, quoi. D'après moi. Moi, juste rajouter juste un tout petit truc dessus, deux petits trucs dessus rapidement. Juste, il y a pour si tu parlais des animations, il y a un moment où tu sens qu'il y a un animateur que je sais pas, à mon avis, il a dû faire ça en cachette à un moment donné. Mais il y a un animateur à un moment, il a dû dire non, par contre, il y a un nouveau style graphique sur le film, ça se voit clairement, hein, c'est du Dragon Ball New Gen un peu, quasiment enfin, Ouais. l'animation quoi. Mais il y a un plan où il y a un mec qui s'est fait plaisir, c'est le premier plan En où. 3D là, enfin en Non, visuel là, non, en. non, non, non c'est le premier plan où Vegeta est en Super Saiyan. C'est un travelling de bas vers le haut où Vegeta il est en Super Saiyan et c'est exactement le trait limite les couleurs, c'est un peu les couleurs pâles des anciens OAV et c'est vraiment genre c'est une copie carbone d'un Vegeta hyper badass qu'on voyait dans les OAV bon, juste avant qu'il se fasse laver mais ça avait vraiment le côté là qui était vraiment super stylé. Donc ça, ce plan-là, c'est clairement le plan pur fan service. Et l'autre truc que j'aimerais juste ça, on conclura juste sur ça, parce que moi j'ai trouvé que c'était un peu de trop. Est-ce que tu ne trouves pas que Gogeta est de trop dans le film? Dans le sens où juste on aurait mis Broly qui se met à fond et finalement Goku décide de s'y mettre vraiment sérieusement et le battre, ça aurait pas suffi. Est-ce Oui, que oui. Ah oui, moi je suis. Ouais. parce que en fait Gogeta est beaucoup trop fort en fait pour Broly et genre honnêtement hein, il est enfin tu les vois après ça fait le côté stylé un peu pastel comme disaient les couleurs et tout quand ils se battaient mais moi je trouve vraiment que justement c'est la partie du film où tu vois que là c'était vraiment la partie marketing c'était genre il faut en gros faut qu'on remette le plus de trucs possible dans le film pour faire des produits dérivés et j'ai vraiment ressenti la partie Gogeta comme ça quoi. Mais oui. Non Oh. mais Gogeta, vu comment il joue avec Broly, alors que Broly c'est censé être le Saiyan légendaire, je veux dire, enfin, voilà quoi. Est-ce qu'on va sortir Gogeta maintenant à chaque fois qu'il y a une menace, sachant que le mec, bah voilà, il bat tout le monde quoi. Enfin, Broly c'est le chevalier légendaire quoi. C'est le super Saiyan légendaire dont Bah on oui, parle tout le temps. mais Donc, ouais, c'est ça. Et c'est dommage que du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup, le Gogeta, tu te dis ouais, mais en fait là, ils l'ont mis vraiment juste Ouais. pour le LOL, quoi. Sachant que. Ouais, Non mais pur ça c'est, fan mais ça. service, je pense Ouais, aussi. mais ça, c'est normal. Enfin, c'est normal, parce que de toute façon, Broly, vous l'avez vu dans quoi? Dans deux films? Trois films? C'est ça? Il sort. Deux, ouais. Deux, Deux. je Ouais, crois. trois si tu Voilà. comptes bien Enfin, Broly, n'oubliez pas que mais. Dragon Ball, si tu veux, bon, hormis en France où c'est un seul phénomène, où effectivement les quarantenaires vont aller voir le film, mais au Japon, c'est surtout orienté pour les enfants, quoi. Et si tu veux, les gamins qui ont 10-12 ans, les films Broly, ils les ont pas vus, quoi. Par contre, Gogeta, t'inquiète pas qu'ils l'ont vu, hein. Ouais, ok, d'accord. Donc il faut que le film, si tu veux, vu que de toute façon Kilvan il l'a compris, c'est avant tout faire plaisir aux fans. et après faire du merchandising, parce que Dragon Ball ne marche que comme ça, en fait. La série, elle n'existe plus, si tu veux. Bon, il y a Super qui a relancé un peu le truc, mais du moment que Super est reparti, c'était de la pub, de la pub, de la pub, faut revendre, faut revendre, faut revendre. C'est un cash flow monstrueux, Dragon Ball, quoi. Et D'accord, c'est donc, quand sûr. tu fais un film qui, en plus, est attendu par pas mal de gens, bah, tu mets les personnages emblématiques. Freezer est emblématique au Japon, beaucoup plus que Cell. Broly est aussi hyper connu. Et puis après, bah, fatalement, t'as les personnages de Dragon Ball Super. Et derrière ça, tu mets un petit Gogeta et c'est bon, t'en as vendu des caisses, quoi. D'accord. Mais c'est le côté, voilà, c'est ce Ouais. côté-là que je trouve dommage, c'est que voilà, tu sens vraiment qu'il est là pour le marketing. Et juste pour ça, quoi. C'est un peu. Bon, après, on peut penser ça de tout le film, mais c'est trop ça. Ouais, je trouve ça un peu regrettable parce que malgré tout, ça se tenait et juste que Goku tire une leçon d'avoir un peu laissé partir le truc en cacahuète et le fait qu'il soit Non, mais c'est ça, oui. qui Je suis Le fait qu'ils d'accord. doivent qu'ils soient obligés du coup de fusionner, enfin narrativement parlant, si on parle pas, si on réfléchit pas en termes que c'est un produit, etc. Si on parle juste vraiment en termes de narration pure, c'est dommage. Ouais. Voilà. Eh ben Bon, allez, on voilà. va passer à la Moi, suite parce que moi, sinon on va. juste pour terminer quand même, parce que ça m'aura toujours fait marrer, les gens qui chiaient mais assez vertement sur Dragon Ball et le studio Toei. Hein, qui savait pas animer des dessins animés, que c'était une honte. Bah finalement, on se rend compte que quand ils ont de l'argent et du temps, ils font des trucs pas trop mauvais quand même. Ah bah oui, on est d'accord. Voilà. Ah, Et clairement. faut un peu différencier des séries d'animés que tu sors toutes les semaines Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est avec un film où tu peux avoir le temps de te poser, quoi. qu'ils. C'est Tout à ça le problème, fait. c'est qu'ils devraient pas. Enfin, les animés qui sortent semaine par semaine sans interruption, c'est un truc pour moi complètement archaïque qui devrait plus exister, quoi. Et ce sera le sujet d'un prochain épisode. D'un prochain épisode. Exactement. Évidemment. Allez, là, je mets la Non, pression, mais faut mais t'as qu'on raison. avance, faut qu'on avance. On Du avance. coup, on va parler du deuxième film, donc celui-là aussi qui est très récent, qui est Battle Angel Alita, hein, donc la version américaine réalisée par Robert Rodriguez du manga Gun. Donc, bah, je vais faire la présentation vite fait. Oui, vas-y, vas-y. Donc, le manga Gum, un manga emblématique des années 90, qui est réalisé par Yukito Kichiro, pardon. On a donc ici une reprise en version américaine avec que des acteurs américains de Robert Rodriguez, donc, qui avait fait notamment Boulevard de la Mort, Grindhouse, qui est un très très bon réalisateur. Il a fait Sin City aussi. Un très très bon réalisateur de films et qui avait une passion pour ce manga depuis des années et qui souhaitait bah, ouais, depuis au moins une dizaine d'années faire une version live de ce manga. Alors aujourd'hui on l'a. Qu'est-ce qu'on a dans ce film? On a la version basique des deux premiers tomes de Gun avec une incartade dans le tome 3 puisque évidemment le motorball c'est un sport qui est à grand spectacle et donc dans un film américain c'était garanti que ça allait apporter un plus. Exactement. En tout cas, donc voilà, on a quand même une histoire qui est focalisée sur les deux premiers tomes, à savoir l'histoire avec la décharge et Yugo. Il y a quelques petites différences avec le manga, mais globalement, voilà, je pense qu'au fur et à mesure de la conversation, on va quand même être d'accord sur la fidélité de cette œuvre. Il y a quelqu'un qui est en train de Oui. cliquer non-stop là, je ne sais pas qui c'est. J'entends une Ah souris pardon, c'est moi. Pardon, Ouais. autant pour moi. Du coup, oui. Alors voilà, on reprend l'histoire vite fait. Donc là, ils ont occidentalisé les noms, hein, mais c'est pas très grave. Bon, moi, j'appellerai Gali parce que ça fait 25 ans que je l'appelle Gali et je peux pas l'appeler Alita, c'est trop bizarre. Donc voilà, on a le docteur Ido, donc, qui est un cybernéticien qui découvre Gali, enfin son buste dans une décharge, qui remonte tout son corps. Donc Gali, c'est un cyborg. Hein. Et donc, bah, elle fait sa petite vie, elle devient. Alors, ils s'appellent pas les, ils s'appellent les Bounty Hunters, je crois, dans le film. C'est pas le Hunter Warrior. En tout cas, voilà, elle devient chasseuse de primes. Et puis, il se tape le gros méchant qui s'appelle Groishka dans le film, je crois, Makaku. Je Ouais. suis plus sûr. Bah, c'est ça. Oui, c'est un Ça, truc c'est dégueulasse, ça. ouais. Ouais. C'est un truc dégueulasse. Et bref, voilà, Ido est chasseur de primes, Gali devient chasseuse de primes, mais en même temps, elle s'amourache de Yugo, qui est une petite frappe dans la décharge. Et en même temps, elle veut faire du motorball parce que c'est quand même un super moyen de se libérer et de prouver qu'on existe. Voilà, donc pitch rapidos. Alors, qui l'a vu le film déjà? Donc, parmi Moi, vous? du coup. Moi, du coup. Chapinon, May, non? J'ai formellement refusé. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'infliger ça, en Ah, c'est fait. vrai. Ah, merci, May. Ah non, mais encore une fois, vous... Merci, May. Non, mais Ah. autant Broly, je pourrais regarder plus tard, mais alors ça, il en est hors de question, quoi. Eh ben, Vraiment, c'est franchement, comme Ghost bon. in the Shell, non. Eh bien, vous avez tort. Franchement, vous avez tort. Mais bon, vas-y, je vais donner mon Faites-nous avis. Je changer vais commencer. Ouais, non, mais... d'avis. Alors, déjà, au niveau de la fidélité physique des personnages, je crois que c'est pas possible de faire mieux. Vraiment, déjà, quand, moi, ça fait longtemps que je suis le sujet de ce film, parce que j'ai attendu très, très longtemps qu'il arrive. Et quand ils avaient proposé, je me souviens quand ils avaient proposé des actrices, j'avais déjà mis le doigt sur celle qui allait être choisie. C'était quasiment sûr. Elle ressemblait, mais tellement à Gali, Christophe ou Christopher Valls, je sais plus à chaque fois, c'est Christophe. Oh, excusez-moi, je m'en souviens jamais. C'est pas un manuel? Non, c'est pas Manuel, c'est un Christophe. Dans le rôle de Ido, il est vraiment, vraiment parfait. Je trouve que c'est une version, mais copier-coller de ce que moi j'aurais espéré visuellement de Daisuke Ido. Celui qui est un peu moins, alors Vector, c'est pareil, hein, c'est Vector, on le reconnaît tout de suite. Le seul qui est un peu moins, enfin qui est un peu trop teenager américain, c'est Hugo, qui dans Bon, l'animé. Hugo, c'est le personnage qui se fait un peu douillet dans le film, donc Oui, c'est vrai. ça se transparaît dès le skin du perso. Voilà, exactement. Il est bon là dans la version du film, ce qui m'a un peu plus déplu, c'est alors. C'est pas le côté naïf de Gali, puisque Gali est au début, dans les premiers tomes, elle est hyper naïve, hein, puisqu'elle connaît pas du tout le monde dans lequel elle est. Puis elle a des trous de mémoire, donc elle se souvient de rien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté teenage love avec Hugo dans le film. Un peu, ah ouais, voilà, un peu côté ouais, teenage love américain, qui est Qui pas. pue son oncle, hein, on peut dire les termes. Hein. Voilà, bon voilà, je voulais pas être véhément, mais c'est vrai que c'est maltraité, vraiment c'est quand même maltraité. Mais alors à part ça, que ce soit la gestion de Makaku avec le Kansas Bar, avec Zapan, avec le Motorball, on voit même Jashugan à un moment. Enfin, tout est traité avec un tel respect du manga d'origine que malgré les quelques différences. Notamment la différence principale, c'est qu'il y a là il y a l'ancienne compagne de Ido qui apparaît dans le film, alors qu'elle n'existe pas dans le manga. Et d'ailleurs, Alita s'appelle comme ça parce que Ido, il avait eu une fille avec cette femme, alors que dans le manga, c'est l'ancien chat de Ido qui s'appelait Gali. Mais voilà, à part ça, je disais, Jashugan, il est super bien fait, même si on le voit pas beaucoup. Makaku, il est vraiment très très beau. Le Zapan, c'est pareil, il est vraiment pas mal stylé. Enfin, tous les personnages, Vector, je le disais, tous les personnages sont là où ils sont, joués de la manière dont ils doivent l'être. Et vraiment, pour une adaptation live, je me serais jamais attendu à ce que ça ait un niveau d'exigence à la fois dans le développement des personnages et à la fois dans le développement visuel, dans la création de costumes et tout. Enfin, vraiment, je suis très, très, très agréablement surpris. Et du coup, j'ai passé un super moment. Finalement, le seul truc qui m'a empêché de complètement... Enfin, en fait, le problème, c'est que je n'arrive pas à juger ce film. Voilà, je connais trop le manga. Enfin, j'aime trop le manga. Je suis trop imprégné dans ma culture personnelle par ce manga pour avoir vraiment un avis perso sur le film, mais je me dis que le fait déjà que j'apprécie le film, alors que j'aurais pu être tellement casse-couille sur beaucoup beaucoup de détails, je me dis que là il y a quand même une vraie vraie réussite, et je pense que ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est une introduction magnifique au manga, malgré le fait qu'il y ait vraiment un manque de violence et un manque de gore qui se ressent, quoi. Je veux dire, on manque vraiment, vraiment de violence. Mais bon, c'est comme ça, les films américains, il faut faire du PG-13, comme ça, tout le monde peut aller le regarder. Et on fait le max de thunes. Mais à part ça, vraiment, je suis pas du tout déçu. Voilà, Kilvan, si tu veux rebondir. D'accord. Bah c'est bien parce que du coup je vais pouvoir faire un peu le casse-couille. Mais non, Ah, mais bah ouais, bah, vas-y, vas-y, hein. concrètement, alors non, bon, alors bon, globalement j'ai bien aimé le film. C'est pour moi c'est il a fait l'effort que les autres adaptations n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'en fait, être un bon film, en fait, un truc qui tient la route. Rien que ça déjà, oui. C'est con, hein, mais c'est un film en fait que quelqu'un qui n'a rien à foutre en fait du manga et qui le connaît pas et qui sait même pas que c'est un manga, qui, pff, il va le voir. C'est un film tout à fait classique et sympa, tu vois. Rien que ça, merci quoi, parce que une adaptation en soi, une adaptation, c'est pas grave que ce soit pas spécialement fidèle ou quoi. Si c'est un bon film, mais si en plus si t'as fait un truc où en gros t'as ça devient une caricature du matériel de base, un peu comme le film Death Note que je trouve vraiment hein, dégueulasse par exemple. Bah non quoi, c'est pitié quoi. Enfin ça fonctionne pas. Là du coup celui-là, voilà, c'est un bon film. Après il y a énormément de problèmes si en fait c'est vraiment en termes de narration que j'ai un problème avec ce film, c'est-à-dire qu'en fait il y a des trucs très importants qui font de Gum une œuvre majeure du manga, c'est en fait le personnage de Gally est un personnage beaucoup trop doux et naïf dans le monde dans lequel elle est, et tu ne le ressens absolument pas dans celui-là. Dans le film, tu veux dire? Elle a beau être naïve, elle n'est pas dans un monde infect où elle n'est, enfin, tu ne ressens pas que tu es vraiment dans un monde infect, une poubelle en fait, un monde en Oui. train de mourir. Là, t'es au mieux, t'es à Porte de Clichy, quoi. Ça va pas plus loin, quoi. C'est genre, s'il y a deux, trois poubelles renversées, c'est maximum, quoi. En fait, la décharge n'est pas une décharge. Et tu te demandes, en fait, enfin, ça fonctionne pas, en fait. Le cœur principal des deux premiers tomes de Gum, c'est de montrer, en fait, que c'est un univers dégueulasse, immoral. Où tu ne peux pas vivre, en fait, tu ne peux pas avoir une existence normale dedans, et tu du coup le pour le seul truc que tu penses pour quitter ce monde, en fait, c'est en fait le se dire qu'en fait il y a une cité qui est au-dessus de la ville, qui est un espèce de nirvana où ça ne peut pas être pire que ce qu'on est en train de vivre, en fait. Alors justement, Et juste pour rebondir là-dessus, tu vois, bah, j'ai pas analysé ça comme toi, mais il y a quand même dans le film, bon, voilà, je pars du principe que vous avez vu le film, hein, mais vous avez lu le manga, mais c'est vrai que quand Hugo il monte sur les câbles, je me suis dit, mais attends, il a pas une vie aussi dégueulasse que ça, quoi. Enfin, je veux dire, le monde, il a du monde autour de lui qui l'aime, Gali est là, et c'est vrai que tu vois, enfin, je me suis dit ça consciemment. Mais en fait, ça reflétait le même avis que toi, c'est que du coup, oui, il n'y a pas assez d'enjeux négatifs pour se dire, bah, il y a besoin de partir, quoi. C'est ça. Et par exemple, Hugo fait un mental breakdown complet dans le manga, mais tu comprends pourquoi. Là, ouais, bon, il est robotisé, mais ça a l'air d'être à plus ou moins la norme. Mais il T'as n'a pas pas l'air l'air. plus choqué que ça, oui. Ouais, et t'as pas l'air d'avoir, en gros, un. T'as pas l'air d'avoir d'impact particulier, en fait, dans la décharge à être robotisé. Enfin, en gros, pourquoi la scène fonctionne pas, en fait? Enfin, elle fonctionne si tu ne connais pas le matériel d'origine. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le tacler, tu vois, parce que c'est la sienne, elle est correcte, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu passes à côté de toute la substance qui fait que les deux premiers tomes de Gum. C'est une introduction à un truc qui va être dégueulasse par la suite. Là, en fait, c'est une introduction à ouais, des pauvres. Ouais, mais c'est Enfin, ce que c'est je te dis tout. aussi, c'est que c'est un film qui est, voilà, j'ai interdit au moins de 12 ans, donc du coup Ouais. tu peux pas dépeindre une réalité hyper violente et Ouais, je suis d'accord. hyper Je suis noire, quoi. d'accord. C'est pas c'est C'est ça que je reproche pas. Je reproche pas le parti pris en soi. Enfin, je comprends le parti pris. C'est juste que. Si tu connais le matériel de base, bah ça reste un défaut. On peut pas, enfin, non, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. on peut pas le passer sous silence, quoi. C'est parce que c'est un vrai défaut. Par exemple, ouais, enfin voilà, le Hugo, du coup, voilà, du coup, j'ai parlé de Hugo, c'est ça. Et puis même les méchants, bah, enfin, le méchant qui tombe amoureux de Gali dans les déchets, bah, si t'as pas le côté graphique où tu vois vraiment le mec en train de pourrir soi-même dans des égouts, le mec il est dans des déchets, il est en train de pourrir vivant, quoi. Et là tu comprends, et genre, bah, ok, c'est graphique, mais ça a beaucoup de sens. Bah, ça par exemple, ce personnage-là, il est quand même moins bien dans le film, quoi. Là, je Et suis d'accord. voilà, donc bon, il y a ça. Et la deuxième partie que je reproche, après, bon, l'auteur avait envie de faire ce film depuis des années, enfin, ça fait une décennie qu'il veut le faire, ce film, je crois. Oui, au moins 10 ans, oui. Au moins 10 ans, donc je comprends qu'il ait fait le rollerball, tu vois, mais le rollerball doit naître en fait du traumatisme de Gali, et que Gali en fait se rend compte que ses actes en fait ont de l'importance sur l'univers autour, d'elle. Voilà, Et ça, c'est exactement ce que j'ai dit à mes copains quand on en a discuté. Ouais. Et ça du coup, bah tu le ressens pas non plus. Ouais, bah, ouais. Parce que toi aussi, on aime à peu près autant le manga. Là, je pense qu'on l'a lu plusieurs fois toi aussi, donc ça nous saute aux yeux. Mais tu vois, j'ai pas envie de le tacler pour autant, parce que Oui. Non, mais c'est je vraiment me. une analyse. C'est vraiment une analyse de quelqu'un qui aime vraiment le matériel de base, quoi. Mais Non, mais c'est voilà, pareil, donc moi je leur expliquais la même chose, que justement le Roller Ball était la conséquence de tout ce qui s'est passé après, que c'était pas implémenté de manière optimale dans le film. Ça, on est bien d'accord. c'est ça. Donc voilà, donc en gros voilà, c'est un bon film, c'est une adaptation, je pense que c'est l'adaptation la plus réussie, enfin c'est largement au-dessus de pas mal d'adaptations de Live, ah bah manga oui, c'est en clair. live, ouais, enfin ouais, enfin je pense que c'est même la meilleure, hein. Enfin, je les ai peut-être pas toutes vues. Oh, il y a peut-être le Kenshin là qui avait été fait par des Japonais qui était vraiment pas mal. Mais c'était un drama du coup, mais c'était un drama bien foutu, donc peut-être lui que je mettrais peut-être au-dessus en termes de fidélité, mais là franchement c'est un bon film. Donc voilà, c'est bah, je suis allé le voir parce que j'étais dans un bon mood, je m'étais fait violence à aller voir Nicky Larson, et bah, je me suis dit putain merde, j'ai aimé Nicky Larson, donc Ouais, quand même, y a un peu... je me suis dit il y a un bug dans la matrice, ouais, donc je me suis vraiment. dit je vais aller voir Gum, donc tu vois. Et du coup je suis allé voir, je regrette pas d'être allé le voir parce que ça voilà, je suis sorti, je me dis en fait oui, c'est le produit maximum qu'il pouvait faire avec les moyens qu'il avait et les droits qu'il avait de faire un film au cinéma pour faire de l'argent, quoi. Ouais, grave, ah Donc ouais, non, du mais c'est coup ouais. voilà, donc voilà, c'est vraiment ouais, non, bon film, bon délire, c'est ça a ses défauts mais ça reste bien. Voilà, mec, tu l'as lu le manga? Je l'ai lu mais il y a très très longtemps. Ouais, bah franchement, voilà, Il faudrait si. que je reprenne, que je relis, j'ai envie de Ouais. refaire Mais la vraiment, collecte. Mais j'avais vraiment apprécié. regarde-le, hein, vraiment, c'est ça vaut largement le coup. Et pourtant, Dieu sait qu'on est critique sur les. Ah, moi Ah je suis. bah ouais, non, mais ça m'étonne, mais du coup, bah ça veut dire que Ouais. Ah c'est non, mais une moi, bonne surprise. pour moi, c'est un Ouais. miracle, hein, vraiment. Moi j'ai vraiment essayé d'être juste, toi, dans ma critique pour, enfin j'ai remonté des vrais problèmes qui sont graves entre guillemets, mais voilà, faut quand même être faut Ouais. relativiser, quoi. Non, mais sachant d'où ça vient et voilà, C'est et ça. le Oui, c'est gap ça. qu'il y aurait pu avoir entre les deux, enfin ça aurait pu tourner à Sex and the City, quoi, tu vois. Enfin Exactement. bref. ouais, du coup pour terminer, je voulais vous parler aussi, enfin on va parler ensemble. Je voulais vous donner un peu votre avis sur les jeux de baston qui sont présents à l'Evo là, puisqu'il y a donc le championnat du monde des jeux de baston. Championnat du monde de jeu de baston. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah écoute, ça s'appelle comme ça, hein, c'est Des l'e-sport, quoi, tu vois, des athlètes électroniques, athlètes quoi. au Red Bull, quoi, Les de athlètes base, quoi. électroniques, quoi, ouais. Parce que du coup, on a le listing donc, des jeux qui sont présents à l'Evo 2019. Hein, donc l'Evo, c'est le plus grand tournoi de jeux de baston au monde qui a lieu à Las Vegas en août, je crois. C'est en août, d'habitude. Oui, C'est en voilà, août, ce ouais. sera ce Ouais, 2 au 4 août ouais, prochain. en août. C'est ça. Donc cette fois-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux qui ont été prévus. Et il y a pas mal de nouveautés cette année. Donc je voulais vous. Voilà, on peut parler quelques instants de chaque jeu. Parce qu'il y en a que vous avez joué, d'autres pas du tout. Il y en a aussi qui sont nouveaux. Alors le premier, ça va être BlazBlue Cross Tag Battle. Donc le jeu de baston qui agglomère les licences BlazBlue. Under Night in Burst, il y a aussi Ruby, Ruby, il y a aussi Arcana Heart et Persona. Voilà, c'est le gros bordel. Le voilà. tous les ce qu'ils appellent, les Américains appellent ça les anime fighters. Voilà, c'est ça. Ah, c'est le jeu en kit, c'est ça? Oui, c'est ça, avec le jeu avec la moitié de son roster en C'est DLC. ça, c'est Tout à fait. tu C'est mets l'argent que tu veux et t'as le jeu au prorata de l'argent que tu mets dedans. D'accord. C'est celui-là, oui. Alors, moi, je vais vous dire, moi, j'étais un connard parce que j'ai acheté le jeu, là, Ah bah récemment. bravo Vincent. Bah oui, Ah là, parce qu'il y a bah. évidemment, ils sont malins, les petits gars. Hein. Dès qu'il y a eu l'annonce des jeux, Steam a fait des moins 40% sur tous les jeux de l'Evo. Donc, bon, ce qui fait que, voilà, j'ai payé 24 balles pour le jeu et puis 8 balles pour la moitié du roster. Donc, bon, voilà, Ah ouais, quand même. je suis Bon, ça un va. trou de balle, mais je me sors quand même à 32 balles. Donc, ça va, c'est pas la mort. Juste, bon, j'en parle vite fait avant d'avoir votre avis. Le jeu a l'air très très très très con comme ça. Ça pète de partout. Bon, c'est très lumineux. Et en fait, au niveau gameplay, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup beaucoup de touches simultanées à appuyer. Genre, si vous faites shop, c'est B plus C, mais si vous faites car avant, B plus C, ça donne un coup spécial. Il y a, vous pouvez faire venir l'assist avec un bouton spécial, mais en plus, vous pouvez faire une contre-attaque quand vous êtes en train de bloquer avec le bouton d'assist plus un bouton d'attaque. Enfin, wow, je m'attendais pas du tout à ça parce que tout le monde vend ce jeu comme, comme un petit peu l'entrée de gamme, tu vois, du jeu de baston. C'est facile. Et en Donc ouais. effet, les combos sont pas hyper compliqués en effet, mais c'est les mécaniques de jeu. Il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, ça m'a vachement refroidi quoi, parce que j'ai trouvé ça trop compliqué quoi. Alors peut-être que de plus jeune, Blaze Blue, ça me posait pas de problème parce que j'étais vraiment à fond dedans. Mais alors là, moi qui voulais reprendre un jeu pour m'amuser, ben c'est trop compliqué quoi. C'est trop compliqué. Mais bref, du coup, alors visuellement, au niveau de l'univers, est-ce que ce jeu il vous parle ou il vous parle pas? Moi, je pourrais en parler un peu en tant que spectateur, parce que celui-là, j'ai pas eu envie spécialement d'y jouer. Oui, bah juste. En tant que spectateur de Léo, bah, je suis content qu'il y soit, parce que ça fait partie des jeux. En fait, bah, c'est quand même cool qu'un jeu comme ça. C'est quoi déjà un jeu où il y a des. Quand c'est un jeu où il y a plein d'autres jeux, c'est des quoi? Et Un crossover. des crossovers. Merci, Chapi. Putain, heureusement qu'il y a un mec qui suit. Un crossover qui. Désolé, mais je n'ai pas entendu que lui aussi. Donc Pas grave, pas grave. le crossover qui marche, c'est cool, quoi. C'est bien pour ces licences-là, surtout que c'est des jeux qui, indépendamment, n'ont pas bien marché. Après, bah, moi, je trouve que le problème de ces jeux-là, c'est qu'en tant que spectateur, c'est un peu chiant, quoi. Donc, je pense que c'est le genre de jeu, en fait, tu ne peux apprécier que si tu sais ce qui se passe à l'écran, parce que moi, les trucs où justement ça pète partout, ça tendance à me faire l'effet inverse. En fait, je regarde le truc, ça pète partout, je fais ouais, bof. Ouais, c'est un peu comme Donc, Marvel pour toi, quoi. ouais, c'est ça ce que Non, j'allais non, dire. Ouais. parce que Marvel, j'y ai joué, donc du coup, c'est cool, tu vois. Et Marvel, t'as le public qui est chaud, donc ça allait. Mais là, celui-là, j'avoue, en tant que spectateur, j'avoue que pour le moment, je saisis pas le délire, quoi. Alors, Donc. Chapi, je sais pas si tu sais, mais apparemment le jeu marche vachement bien au Japon. Hein. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il est vachement suivi et qu'il y a beaucoup de DLC et tout Ah ça. oui! C'est qu'il est. Il Oui, puis est. après, de l'autre côté, je pense qu'il fallait malheureusement aussi un petit peu remplir, quoi, parce que quand tu vois le roster qu'ils avaient, il y a quand même un petit peu des trous, quoi. Ouais, Parce c'est que là, vrai. je vois qu'il y a Under Night, il y a Samurai Shodown, il y a Mortal Kombat, quoi. Tu vois, moi, Samurai Shodown et Mortal Kombat, ça me choque, hein. Qu'il soit à Ça me choque de présent. dire, bah, c'est des jeux qui sont à peine sortis, quoi. Donc, On je va trouve en pas parler qu'il y ait. juste Ouais. quand C'est on pour aura parlé. problème. Mais oui, mais Mais Blaze ouais. Blue, mais je pense que tout ce qui est, bah, en fait, les jeux arc system, ils ont toujours très bien marché au Japon. C'est vrai, c'est vrai. Les jeux Ouais. qui demandent, qui, en gros, les jeux qui demandent de l'exé, hein, grosso modo. C'est ça. Bah celui-là, C'est assez. ouais, il en demande moins, mais bon, voilà, je te dis, c'est plus les mécaniques. Il y a de quoi faire, en fait. Au niveau exé et au niveau des personnages, ils sont faciles à apprendre, mais c'est les mécaniques globales du jeu qui Ouais, sont plus enfin, difficiles. les jeux qui sont complexes, Oui, qui ont voilà. pas. Oui. Typiquement, Smash Bros, je serais incapable de te donner le nom d'un joueur, d'un top player japonais, quoi. Oui, oh bah pareil, oui, pareil. Tu C'est vois? vrai, c'est vrai. Non mais voilà pourquoi pas. Bon, en tout cas, le jeu est très très beau visuellement. C'est vrai que ça fait peut-être partie des jeux. Si tu ne sais pas quels sont les enjeux, ça, tu peux avoir du mal à comprendre. Surtout que là, les assists restent très longtemps à l'écran. Donc du coup, il y a souvent quatre persos à l'écran et c'est compliqué quoi. Gros bordel, ouais. Ouais, eh ben on va passer à un jeu qui est cousin puisque c'est toujours du Arc 6. Hein, c'est Dragon Ball FighterZ. Qui lui, bah, ça va être sa deuxième année, hein, je crois. Allez-vous? Oh, Sonic Fox qui a eu l'année Ouais. dernière. Oui, voilà, c'est ça. Bon, pareil, là, je pense qu'il n'y a pas de surprise, hein, sur ce jeu. Je ne sais pas, pareil, au Japon, s'il est toujours beaucoup, beaucoup joué, mais il représente toujours un beau titre étendard pour le jeu de baston. Bon, moi personnellement, de ce que je vois des news du Japon, pour moi c'est Tekken Street Fighter 5 est sous le calibre, hein, pour l'instant. D'accord, ok. Bah, ça Donc peut. après, je pense que t'as des corps joueurs qui continuent à jouer à Dragon Ball Z. Hein. Enfin, y a Ouais. pas de, je pense pas que Bah, là, le jeu. il y a un gros patch de. Enfin, un gros patch, même, j'ai jamais vu un patch comme ça, mais il y a un patch de rééquilibrage qui vient de sortir là, mais qui est absolument immense. Et je pense que ça va apporter Ça a changé pas mal de choses. pas mal de fraîcheur au jeu. Mais c'est vrai que ça reste un jeu. Ouais, vas-y, excuse-moi, Chapi. Ouais, non, mais après, voilà, ça reste arc, hein, ce que j'allais dire. Hein. C'est quand même les champions du je te sors un DLC, je te le vends, je te refais un équilibrage, le jeu commence un petit peu à perdre, hop, je te ressors un DLC, je te le vends, je te refais un équilibrage derrière, etc. Ah bah n'oubliez jamais que le premier perso en DLC dans un jeu de baston, ça a été Makoto dans BlazBlue. Hein. C'est Ouais, non, mais Arcis qui c'est, tu a. vois, donc Ah ouais. je pense que dans le business model, il est bon, hein, t'inquiète pas, hein, Oui. ils vont Après, pas mourir. bah, c'est sûr qu'il est bon, sinon il aurait arrêté depuis longtemps. Bah regardez, D'ailleurs. c'est pareil. Voilà, je trouve que le jeu, bon, il est très agréable à regarder, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des phases de blocs qui sont trop longues. Enfin, je veux dire, il y a des pressings qui sont infinis. C'est un peu trop. Bah, c'est toujours comme ça dans le Shark 6, hein, malheureusement. Quand t'as un mec qui arrive à bourrer l'autre, ça, c'est très difficile de sortir du coin. Mais Moi, bon. je vais être complètement honnête. Hein. Je sais pas si t'en regardes, toi, du Dragon Ball, toi, May, ou pas? De temps en temps, ça arrive quand je tombe Ça dessus, arrive? mais D'accord. ouais, c'est vrai que c'est assez agressif visuellement, quoi, des fois. Moi, je trouve ça Enfin, chiant. Genre, pourtant, ça dépend sur j'aime quel le joueur tu vas jeu. tomber, quoi, mais si t'as quelqu'un qui a bien le truc et qui sait, il envoie du lourd quand même. C'est vrai que. Mais ça Moi. reste toujours moins chiant à regarder qu'un Jojo, par exemple, tu vois. Le jeu, Ah ouais, celui-là, non, il est lent et c'est relou, quoi. oui. Là tu parles de la peste de la peste voilà de la peste noire quoi mais c'est vrai que moi Dragon Ball j'ai un gros problème enfin j'ai un problème en fait avec ce jeu c'est que je le trouve chiant à regarder mais vraiment en fait je peux regarder genre 2-3 matchs mais je suis incapable de regarder plus de 2-3 matchs parce qu'en fait c'est tellement en fait des phases où en fait le mec il va garder dans il va devoir en gros, s'il n'a pas le droit de taper pendant, je sais pas, mais vraiment des vraies phases, sans exagérer, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes Ah quasiment bah des fois. oui. Et en fait, c'est hyper désagréable. En fait, tu te Ouais, dis, moi c'est ouais, ça qui me dérange aussi, ouais. mais... En Ouais. fait, en gros, t'as 10 secondes où il se passe rien. C'est juste le mec, en fait, il fait un pressing où le mec, il sait qu'il n'a pas le droit de taper. Bah, du coup, voilà, il fait son pressing. Le mec doit subir, c'est tout. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Et après, t'as une demi-seconde où, en fait, il y a un choix. Et bim, après, soit le mec, il reprend un combo. Du coup, il perd des ressources. Et derrière, il re-rentre dans la machine à laver. Et que ça peut se repasser encore 10 secondes où il se passe rien du tout. En fait, Ah, c'est ça. C'est la méta du jeu à qui est pas jouer ça agréable. va. Voilà, à Mais à jouer ça va regarder, si tu veux, mais c'est. à regarder, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, Voilà. Bon, moi, moi, ça voilà, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que moi, je peux pas regarder 1 heure et demie de Dragon Ball, quoi. C'est Voilà. ennuyant. Beaucoup trop. Un petit peu, ouais, mais après, à la longue, c'est beaucoup trop, Voilà. quoi. Mais on verra. Mais, du coup, c'est vrai que le niveau va être aussi encore plus ouf que l'année dernière, parce que le jeu était Ah bah récent là, oui. quand il a été à l'Evo, et là, du coup, ça va être vraiment violent, quoi. On va passer donc au prochain, c'est un nouveau, hein, c'est Mortal Kombat 11, donc comme Chapi l'a évoqué tout à l'heure. Jeu qui va sortir, donc je crois que c'est le 26 avril, un truc comme ça, je me souviens plus. C'est Enfin, dans très peu de temps, ouais, dans peu de c'est dans temps. le 26 ou 24 avril, je sais plus, voilà, c'est dans un mois. Bah là, on a commencé à avoir les infos, on a un peu le roster, on a toujours pas d'ailleurs l'intégralité des personnages qui vont être disponibles. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'ils ont commencé à donner les persos en DLC avant que le roster soit dévoilé, quoi. Donc Justement, pour te donner c'est ça envie, c'est tu beau, vois. ça c'est beau. Ça Non mais c'est beau, ça c'est magique. c'est beau. Voilà, faut savoir apprécier les bonnes choses. Non mais tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Oui, C'est bien. mais enfin bref. Alors le jeu, moi je trouve qu'il y a eu comment dire, une amélioration énorme au niveau de l'animation, particulièrement entre Mortal Kombat 9 et Mortal Kombat 11. Tu regardes, Clairement. c'est il y a vraiment un gros travail. Le jeu a l'air très sympa. Moi franchement, voilà, le seul problème que j'ai avec Mortal Kombat, c'est qu'il y a un bouton de garde. J'ai jamais réussi à me faire à ce truc-là. Mais moi je regarde toujours les tournois Mortal Kombat. Après c'est voilà, c'est l'Evo, c'est une fois par an. Quand j'ai rien à faire, je regarde le tournoi Mortal Kombat de l'Evo. Ça m'arrive, il y a des jeux que je zappe, mais Mortal Kombat, je regarde et voilà. Cet épisode a l'air vraiment sympa et je pense que je le regarderai. Et vous? L'animateur, vas-y. May, par exemple, tu as regardé, même si Bah je pense moi pas que ce soit franchement Mortal ton. Kombat, si Mortal Ah Kombat, ouais? moi je kiffe, moi aussi, moi c'est une licence Ah oui, ça, t'es que une j'aime. Attends, violente. il y a du Oui, sang, de la violence partout. oui. Là que j'ai vu quand il y a eu le trailer de l'annonce de Johnny Cage, mais j'étais là, mais oh putain, mais vas-y. Bah ouais, tu me dis il y a Mortal Kombat 11, mais carrément que je vais regarder, ça a l'air trop bien. Puis enfin c'est ça, l'animation, elle a là ça, enfin le jeu, ce que tu vois, que tu vas avoir, enfin ça donne envie, quoi. Et ce qui est génial, c'est que les mecs, moi, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, personnellement, à chaque fois qu'il y a un Mortal Kombat qui sort, je dis putain, mais les mecs, ils sont vraiment au bout du bout de la violence, quoi, tu vois. Et ils sortent le jeu d'après et c'est encore C'est plus ça, et dégueulasse, ça quoi. dans la surenchère encore, tu te dis, mais jusqu'où ils vont aller comme ça, quoi? Ouais, Ah mais ouais. j'adore, moi. Moi, j'aimerais bien voir leur réunion, tu sais, où ils essayent de faire du brainstorming autour des fatalités, tu sais. Alors là, on va. Non, autour d'une bonne choucroute, je pense. Ah non, mais. ça doit jouer à base de choucroute comment? Et de l'eff, je Ah, pense. Ouais, c'est franchement, c'est. Ouais. Non, mais ils ont des idées, ils sont vraiment. Ils je sont sais pas ce qu'ils ont, vraiment mais. fous, Ouais. quoi. Enfin, Ah, voilà. ouais. Chapi, ton avis sur Mortal Kombat, toi, je pense que c'est pas trop ta tasse de Ah thé. bah, je pense que j'aurais mieux à faire, quoi. Mais Oui. bon, après, je peux comprendre qu'un jeu Toute qui aura nature. 3 mois de vie puisse hyper les gens. Ah bah, en tout Oh, cas, il trois va y mois de avoir. vie tout de Non, suite. mais Non, c'est mais je vrai qu'il va y avoir Ah. beaucoup d'entrants, je pense, Ouais, à bien ce sûr. jeu. Puis Ouais. contre un petit chèque de l'éditeur, t'as toujours tendance à trouver le jeu vachement mieux que la base, quoi. On est d'accord. On est Donc d'accord. voilà, hein, Oui. parce que faut Oui. Bon, financer tout ça, vous êtes bien gentil, mais. Oui. Bon, Moi, d'accord. j'avoue que le tournoi en soi, je bats les couilles à un niveau assez concret. Interstellaire, Ouais, ouais. vraiment, genre, je survole, quoi. Par contre, juste faites-vous plaisir, regardez juste la fatality de Johnny Cage. Ah ouais, non, mais grave. Ouais. Vraiment. Elle est sublime. Elle Voilà, est vraiment y magnifique. a rien à Y a dire, c'est elle est rien mais à dire. magnifique. La C'est regarde, vraiment le plus tu gros rigoles un troll, quoi, coucou, mais ouais. Ah ouais, non, mais tu En rigoles un plus, ça coucou. dure longtemps, c'est horrible, quoi. Enfin, je veux Oui, elle dire, est trop les bien. Elle mecs, est géniale! Attends, c'est la ouais. Non, meilleure! mais vraiment, ils se foutent la gueule du Ah, monde, elle est c'est géniale. génial, quoi. Voilà, c'est Alors, on passe au prochain. Bah, ça va être Super Smash Bros. Aussi, qui est là. Donc là, Ah. alors moi, Ultimate. la version Ultimate, hein, donc la version Switch. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est que finalement, les joueurs de. Non, mais. Y a Non, plus mais. Melee, oui! Attends, non, mais Ultimate, Non, mais d'accord. Forcément, c'est. fallait s'adapter, tu peux C'est l'évidence. Enfin, pas. je veux dire, maintenant, on va avoir des gens qui vont prendre des douches et mettre du déodorant, ça va être bien. Ah, peut-être, il y a peut-être, mais conditionnel, mais Non, mais en tout conditionnel. cas, je tiens à saluer la communauté Smash Bros. Parce que finalement, voilà, même si ça a été des trous de balles pendant 15 ans qui ont joué aux mêmes trois personnages sur le même jeu, bah, finalement, cet épisode Ultimate, il a l'air de mettre aussi tout le monde d'accord et tout le monde a fait la transition Attends, ils sont Ah ouais, tous pédophiles. complètement. Sur cet épisode. Quoi? Ils ont vieilli. Non. Parce qu'attends, c'est tous pédophiles Ah. parce qu'ils ont vieilli, tu vois. Ah oui. Non, mais ils ont des têtes. Bon, ça n'est Il y pas a quelques acceptable, petits mais. soucis dans cette communauté, hein, quand même. Bah, écoute, moi, la communauté Smash que j'ai chez moi, Ouais, mais c'est c'est des bien. enfants, mais c'est des Non, enfants, bon, c'est c'est pas des normal. enfants. Le seul enfant qu'il y a, c'est le mien dedans. Sinon, c'est Hein. tous des adultes. Mais elle est très bien. Voilà, donc oui, Ah, mais bah. non, mais c'est bien, mais elle en est tout cas. rendue à vendre ses gosses, donc si tu veux, là, c'est foutu. Mais Non, non, mais en je tout le cas, vends pas. c'est bien. J'espère qu'ils se tueront sur le Wi-Fi de l'Evo. Ah bah on ne sait pas, on ne sait pas. Ou que Ah, est-ce c'est que pas. Nintendo fournira un add-on pour pouvoir tout le monde ait un câble RJ45 pour pouvoir travailler jouer Parce quand que non. la console n'a pas Non, bah de non, ce sera Ethernet. en local. Ah non, non, mon gars, la Switch, c'est le Wi-Fi uniquement. Hein. Tu sais, Nintendo, ils ont dit que c'est largement suffisant pour jouer. Hein. D'accord, ok. C'est Oui, parfait, ça. sinon tu peux acheter un adaptateur. Très Très bien. bien. Pour 40 balles. Ok. Bon, en tout cas, pardon, en tout cas, c'est un des jeux qui va faire le plus de viewers du tournoi. Oui, Donc, oui, oui. Ah bah oui, voilà, on va complètement. pas se cacher les Ça, faut choses. être clair là-dessus. Et puis finalement, c'est aussi. C'est bien qu'il n'y ait qu'un seul épisode parce que, on va pas se mentir, on se fait chier comme la mort. Enfin, en tout cas, je sais pas. Ultimate, j'ai pas vu. Il y a l'air d'avoir plein de personnages Non, diables. Ultimate, il y a plein de trucs, Donc. y a plein de trucs à faire dessus, mais c'est toujours mieux que Melee et c'est bien qu'il l'ait justement changé pour Ultimate, quoi. Oui, ah, Melee, c'est intankable. C'est vraiment Ah. intankable. Le jeu Bah, moi, est. moi, par contre, je suis très surpris de pas avoir vu Arms ou Jojo. Donc, quand même, c'est Ah! quand même les deux jeux qui ont été poussés par la communauté du Suisse Combat français comme étant des jeux complètement e-sport et qu'il allait y avoir une grosse communauté derrière. Mais Je suis oui! très surpris que ces jeux n'aient pas été mis en avant. Non, non, C'est mais étonnant, ça. bon, Mais ils c'est. se sont rendu compte que c'était pas le cas, en fait, c'est tout. Chut, ah non, mais chut. Ah non, s'il te plaît. Non, S'il non, te je plaît. pense que c'est une histoire de timing, je pense. C'est une C'est. histoire de Alors, c'est encore trop de niche, tu vois. Faut Ouais. laisser. Bon, on n'a pas encore trouvé toutes les techs, donc il va falloir un Voilà. peu de temps. Le public, il est C'est pas prêt, ça. je pense. Un C'est top, ça. top, C'est top ça. 32 en FT5 de Jojo, là. Ah mon Ça peut être Dieu. le début de l'apocalypse, hein. Ouais. Allez, on se reconcentre, on continue parce que là on arrive quasiment à 1 heure de podcast déjà. On va finir. Le prochain, ça va être aussi un nouveau jeu, ça va être Soul Calibur 6. qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Là, il y a le premier perso en DLC qui va arriver. Alors moi, j'ai pas joué à Soul Cassis, mais j'ai entendu des bons retours hein, sur le jeu. Apparemment, il est super sympa. C'est le 5 en mieux, quoi. C'est Oui, ça. voilà. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui est toujours agréable à regarder parce qu'il n'est pas difficile à comprendre finalement. Tu vois, ça reste un jeu, bon, voilà, avec des épées et tout. Les coups sont assez Ouais, tu visibles. comprends ce qui se passe juste visuellement, quoi. Il n'y Bah, a c'est pas besoin ça. qu'on t'explique Il n'y a pas que, beaucoup de tech, voilà, ouais. voilà, il n'y a pas de frame de déchoppe ou je sais pas quoi, on s'en fout, quoi. Tu regardes juste, tu vois, t'as bien compris que Voilà. l'épée, elle est arrivée dans le lard du mec et voilà, ça l'a touché, C'est quoi. ça. C'est Et ça. puis graphiquement, ça envoie du bois, quoi. Ah oui, non, il est vraiment très très beau, vraiment. Je trouve les nouveaux persos aussi très très jolis. Enfin, pour moi, Soul Calibur, ça a toujours été un peu le jeu 3D accessible par rapport à un Tekken, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Tekken, on est dans le Exactement. très technique. Soul Calibur, on se fait plaisir. Il y a des grosses épées, il y a des boobs. Enfin, voilà, c'est un jeu qui est assumé et qui est super agréable à voir Et du coup, en tant que tel. je suis surpris, mais pas de Dead or Alive. Non. Ouais, c'est vrai ça. Non, Je non, suis très surpris en c'est. fait sur le coup, parce que bon, il est quand même assez populaire. Alors je sais qu'ils ont eu quelques problèmes sur la partie plastique des personnages qui posaient Non, mais quelques c'est ça, je soucis. pense qu'ils Euh, assument je pas pense les coûts. que les, je pense que les Américains n'ont pas dû trop oublier là-dessus. Non, c'est ça, ouais, je pense Mais qu'avec le problème qu'ils ont eu en stream, en plus, ça a dû. ouais, Voilà. je pense que ça n'a pas dû aider, quoi. Ça n'a pas dû aider du tout. Mais bon, voilà, déjà, en jeu combat 3D, donc il y a Soul Calibur 6 et il y a aussi donc Tekken 7. Donc bon, au niveau représentant, on est quand même pas mal parce que Tekken 7 a encore énormément de joueurs aussi. Hein. Ah Vraiment, oui, c'est hyper joué. c'est un jeu qui vit très très bien, c'est aussi parfait. Hein. Tekken, si vous aimez le spectacle, là c'est un peu plus technique à comprendre. Mais c'est un jeu qui a vachement bien évolué parce que je vous rappelle qu'il y a 3-4 ans, quand on se tapait les finales avec Bob versus Bob ou les trucs comme ça, c'était impossible à regarder hein, sur Tekken 6. Là, on se faisait C'était un chier. Ah, chier, ouais. Énorme. Un On se faisait chier chier d'humain. comme des rats morts. Incroyable, incroyable. Et là, vraiment, on a des matchs bah, qui sont hyper, hyper agréables à regarder. On a un bon roster. Et vraiment, voilà, moi c'est pareil. Toujours, je sais pas, une après-midi, j'ai rien à faire ou je suis en train de faire quelque chose, bah, je mets les Evo de Tekken ou des matchs de Tekken et ça passe toujours bien. Voilà, on a l'argument Evo, tu vois, l'argument une fois par an. Bon, bah C'est voilà, ça. tu peux regarder 2 heures de Tekken une fois par an, quoi. Ça va, tu vas pas mourir, quoi. Et excusez-moi, puis je réagis encore, mais pas de coffre non plus. Non. Et non, c'est vrai. Ah, moi Ça n'existe pas, hein. j'ai même pas Non. pensé à ça. Bah J'ai appris, ouais, ouais. mais c'est super. Enfin, moi je suis un peu choqué. Bah moi j'aime pas du tout le jeu, hein, je trouve. Mais Mais KOF 14, y a plus de joueurs ou je sais pas. bah je sais pas, Je le jeu est sais dead pas. alors. Bah il pue sa grand-mère la pute quand même le Non, KOF mais. Non, mais Kylvan, enfin, je veux dire, dis-moi pas qu'il y a plus de joueurs de Under Night que de joueurs de KOF 14, Mais quoi. je pense que si, sincèrement, hein. KOF Non, 14, si peut-être Under après on Night, essaye tournamment, quoi, je sais Under pas. Night, il y a toujours des bons. Il y a beaucoup de gens, hein. Ouais, non, Attends, mais. il y a Attention, des Asiatiques hein. quand Non, même non, dans mais KOF 14. ok, Vincent, mais. Enfin, KOF 14, il y a quand même énormément de gens qui y jouent, notamment en Asie, etc., quoi. Ouais, mais c'est que des Asiatiques et des Américains du Sud, alors c'est cher les billets. Tu vois? Ouais. Ok, Je ouais. sais pas. Non, Non, mais c'est. non, sincèrement, KOF 14, il n'y a pas de scène. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de joueurs. Il y a très très peu de joueurs qui y jouent. C'est un jeu qui a aucune visibilité. Ça rapportera pas d'argent. Donc ils ont aucun intérêt à le mettre. Il est pas beau visuellement. Il est pas. Il a déjà fait son. Il est déjà dans son cycle de déclin en termes commercial. Enfin, il sert à rien le jeu. C'est de la merde, en fait. Donc Voilà. ça, ils ont aucun intérêt de le mettre, en fait. C'est plié comme ça. C'est ça. Hein. C'est Voilà. Voilà. D'accord. Du coup, oui, alors voilà, bah, la transition est parfaite, puisque oui, en effet, il y a aussi Under Night in Burst, bon, qu'on appelle Unist, hein, qui arrive à l'Evo. Voilà, le chef de l'Evo a dit que la communauté était vraiment vivante sur le jeu et qu'il se démenait beaucoup pour faire vivre le jeu. Et je suis d'accord, et du coup, pour les récompenser, bah, ils ont mis Under Night en main event. Alors, faut savoir, oui, que Under Night, il a été présent à l'Evo. Depuis un bon moment, sauf qu'il a toujours été présent en side de tournament. Hein. En Donc, side, ouais, voilà, c'est il ça. y avait énormément de monde qui regardait le side de tournament, que ce soit en stream ou sur place, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui regardait le top 8. Et donc, du coup, bah, cette année, ils ont décidé de le faire passer en grande finale. Donc, vraiment super sympa. Moi, je suis très content vu que ça m'a fait Carrément. rejouer au jeu. Le jeu, pour moi, je trouve que c'est vraiment. Un mix parfait entre un jeu occidental et un jeu anime fighters quoi. C'est-à-dire qu'on a des mécaniques qui sont pas trop compliquées, Mais on a quand même des coups qui font mid-screen. Voilà, il y a des small jumps, des trucs comme ça, qui sont pas présents dans les Street Fighter. On a des mécaniques typiquement animées, mais avec une lecture. Enfin voilà, tu regardes un match de Under Night in Burst, tu comprends ce qui se passe à peu près. C'est pas la folie comme un Marvel, comme un BlazBlue ou comme un Guilty Gear, quoi. Donc voilà, je suis très content. Est-ce que vous avez déjà essayé le jeu, vous? Qu'est-ce que le jeu vous dit niveau graphique? Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai pas mal joué à sa première itération. Et je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Après, bah, ça reste quand même un jeu qui demande quand même un gros investissement pour pouvoir jouer, parce que ça reste des mécaniques compliquées. Bah moi je trouve pas, tu vois. Parce que ça a pas mal changé avec les dernières versions. Je pense qu'ils ont un peu simplifié le truc. Enfin, c'est beaucoup plus accessible, parce que déjà, t'as plus de ressources sur le net qui te permettent de savoir un peu comment ça fonctionne. Quand il est sorti, il est un peu sorti. Enfin, on devait l'acheter en import. Enfin, lire le mode, les menus étaient en japonais. Enfin, c'était compliqué d'y jouer, quoi. Et quand il est sorti après, dans sa première version en anglais, bah, il y a déjà plus de joueurs. Donc, parce que voilà, c'est le drame des jeux Arxis qui sortent C'est vrai. trop longtemps Je me après. rappelais plus de ça. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Mais je trouve que c'est un bon jeu. Après, c'est un jeu. Voilà, ça demande beaucoup d'investissement malgré tout pour pouvoir y jouer si tu veux être, on va dire, si tu veux avoir un niveau pas compétitif mais un niveau où tu comprends vraiment les mécaniques. En gros c'est pas n'importe quoi. Et ouais, c'est pour ça que ouais, les jeux comme ça ouais, c'est compliqué si derrière tu te dis qu'en fait derrière tu vas taguer un match en ligne et en fait bah il va y avoir 20 pauvres joueurs et donc du coup c'est des mecs complètement craqués bah c'est pas drôle quoi. Bah, tu fais comme moi, tu joues les persos faciles et forts, quoi. C'est tout. Non, mais c'est vrai que le jeu est assez exigeant au niveau exécution. Alors là, tu vois, c'est un peu le contraire de BlazBlue Cross Tag, tu vois. C'est-à-dire qu'au niveau des mécaniques, c'est facile à comprendre. C'est assez simple à utiliser dans le match. Par contre, au niveau des combos, là, on n'est pas du tout sur le même bail. Hein. C'est assez compliqué. Il y a des récupérations au sol ou des instant air dash, des juggles, tout ça qui sont pas forcément faciles. Il faut. Bon, après, voilà, hein, quand tu aimes un jeu, quand tu aimes un personnage, tu passes quelques heures en training et puis ça passe. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une profondeur dans les combos qui est assez, à la fois assez sympa et puis assez compliqué. Mais vraiment, voilà, je suis très très content, moi en tout cas. Et d'ailleurs, j'annonce en exclusivité mondiale, incroyable, vous ne le saviez pas, mais je vais le faire. Je commenterai en français le top 8 de Under Night. Je pense qu'il va y avoir un beau spectacle. Donc, si vous voulez, Ah, le retour de si la couleur rose, quoi. ça va être fou. Voilà. Donc, je reparlerai le moment venu, mais ne regardez pas, attendez 2 jours et puis vous aurez les commentaires en français. Il nous reste quoi aussi? Ah, deux jeux, il reste Samurai Spirit, hein, nouveau jeu qui va arriver, qui va Chaud sortir là, en. ça va Alors être chaud. lui c'est pareil, c'est pire que tout parce qu'il va sortir en juin, alors que l'Evo est en août. Donc grosso modo, vous avez 2 mois pour. Oui, mais tu sais, contre un petit chèque, Oui, alors voilà, on revient là. Voilà. voilà, Ah, Là, c'est là, là, pas là, grave. C'est pas grave. Alors là, il sera vachement bien et très équilibré, à mon un avis. petit chèque et tout est pardonné, Alors quoi. là, Oui, oui, bonjour. là, je pense que Chappie, on n'a jamais été aussi proche de la vérité, parce que c'est vrai qu'un jeu qui. Alors je rappelle quand même qu'il y a un trailer, le premier trailer, il est sorti en novembre, un truc comme ça, après on a eu 4 mois de vide. Mais vraiment rien du tout. Et puis là, ça y est, il commence à nous donner des news. Bon, on connaît l'intégralité du roster, sauf il y a 3 nouveaux personnages et il y a le boss qu'on ne connaît pas. Donc là, on connaît déjà 12 persos qui étaient présents dans Samurai Shodown 5 et Shiki qui était dans la version Pocket, je crois. En tout cas, voilà. À mon avis, ça c'est un jeu. Alors, moi je fonde des espoirs, mais complètement déraisonnables sur ce jeu, et je vais l'acheter le J-1, même J-2, je sais pas, on va trouver une arnaque sur Steam. Mais mais voilà, je suis un joueur ancestral de Samurai Shodown, mais à mon avis, il y a un truc qui va poser problème pour l'Evo, c'est que c'est un jeu qui est très lent, qui n'est pas basé sur des combos, et qui est énormément basé sur un travail au sol, quoi. Et D'accord. est-ce que les gens sont prêts à avoir des matchs lents pendant 2 heures où un mec peut se faire retirer un tiers de barre sur un whiff? Je suis pas sûre, ouais, ça va être. C'est ça, c'est que le jeu n'est pas fait pour être regardé, à mon avis. Moi, je pense qu'on va bien bien rigoler sur le chat Twitch Ah oui, ah bah non, mais sinon ça va être. Oui. Où ça va mettre des stand H et des bas H à l'autre bout de l'écran. Voilà, c'est bah, ça. Ah, ça va rappeler les heures les plus sombres du Green Lantern, je pense. Hein. Voilà. Ça Mais. va, Effectivement. Non, mais voilà, c'est un jeu qui est. C'est moi, Shodan, c'est SNK Shenzhen qui s'en occupe ou. Alors, je sais, ah, je SNK, sais pas alors qui l'a lequel fait. après? Je sais C'est pas. le SNK chinois ou c'est les Japonais qui ont fait le jeu? Ah, je sais pas du tout, Chappie. Alors Il là. y a juste marqué SNK, Ouais, donc je sais juste pas que du c'est tout. SNK, mais ouais, on sait pas quel Bon, ok, c'est les Japonais. exact. Les Japonais qui Ah, sont dessus, tu le prends pour toi, comme ça, s'il y a un problème, voilà. Voilà, s'il Bah y a un non, problème, bah, je je suis allé sur la page du jeu. Et c'est que tout le staff est japonais. Hein. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon alors. Voilà, mais je pense que typiquement, le problème avec ce jeu, ça va être que en fait, tout le monde connaît Samurai Shodown. Je veux dire, enfin, quand tu joues au jeu de baston, voilà, il y a eu des persos de samouraï dans le KOF, il y a eu des persos de samouraï dans CVS2. On les connaît, ça fait partie du paysage. Mais est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont réellement joué à un Samurai Shodown, qui savent comment ça C'est se moins déroule? sûr, ça. Hein. Ça, toute la génération des jeunes et tout, ils ont jamais touché à un Samurai Shodown de Ah. leur vie. Non, mais Vincent, ne t'inquiète pas, les jeunes ne jouent pas aux jeux de combat, ils jouent à Fortnite. Oui, c'est vrai, pardon, Ne excusez-moi. t'inquiète Non. pas, Et ils Apex. joueront pas à ce jeu. Et Apex. Et à Apex, voilà, donc ils Ouais. joueront pas à ça. Voilà. Mais Mais non, mais bref. Samurai Shodown, ça a marché pour tous ceux qui ont touché à l'époque de la Neo Geo, et puis voilà quoi. Ouais, mais j'ai peur que ce soit pas visuellement, ce soit pas fantastique Ça à marchera, regarder, quoi. ça Oui, mais marchera justement, pas à l'Evo. c'est pour ça m'étonne en fait qu'il soit proposé comme ça à l'Evo, parce que c'est un jeu bah, pour les anciens, quoi. Ah bah, Tu vas pas Chapi a répondu à avoir. ta question, hein. Non, mais c'est ça. Oui, bah oui, c'est l'argent, forcément. Mais enfin, je sais pas. Alors moi je suis Ça va hyper être content, compliqué, hein. hein. Je suis hyper content Oui! d'avoir un tournoi, Ah non, mais mais c'est vrai clairement, pour. que ça va pas être, moi je pense que ça va pas être fantastique à regarder, mais Hein, je pense pas non plus. Je pense voilà. que ça va être le moins. Non. Le moins attrayant de tous, quoi. Ah En non, fait, non parce moi que ce oui. que je trouve même, c'est même dangereux pour eux parce que pour peu que le jeu ait besoin d'un équilibrage un peu de dernière minute ou des trucs dangereux et que le jeu soit pas complètement fini, ce qui est le cas de 99% des jeux qui sortent actuellement. L'afficher devant un public, si le jeu Ouais. pue Ça va la être merde, compliqué, le hein. jeu est mort. Oui, Hein. c'est compliqué. Surtout à l'Evo, ouais. Ça va être compliqué. Enfin bon, ça va pas être le pire jeu puisqu'il nous reste le dernier qui va être le main Ah event. oui, Ça c'est va être vrai. Street Fighter C'est V. vrai, autant pour moi. Alors là, vraiment, bon, franchement, les années passent et mon avis ne change pas. Putain. Ça pue vraiment la merde. Enfin, ce Mais jeu. le truc, c'est, j'ai vraiment l'impression qu'il est mort, le jeu, non? Enfin, Mais oui. Mais non, il est T'as pas l'impression, mort. mais ils injectent du pognon, mais t'as l'impression que ça génère rien. Enfin, c'est Ouais, bizarre, pareil, moi j'ai la c'est. même vision, ouais. Ouais, Genre, complètement. ils ont beau mettre du pognon, genre les joueurs vont continuer à jouer, il va quand même y avoir une scène, mais t'as l'impression que ça génère rien autour, il n'y a aucune émulation autour. Donc j'ai l'impression Ah. qu'ils mettent de l'argent pour rien, j'ai l'impression. C'est bizarre, enfin, j'arrive pas à comprendre comment ils s'y retrouvent en fait. Ah, écoute, moi je pense que le problème de Street Fighter, c'est qu'il pervertit les gens, quoi. Enfin, donc Daigo, bon, il est plus jamais alcoolique, enfin, il est plus alcoolisé que jamais. Tokido, il a un peu perdu la tête parce que maintenant il mesure son crâne, la distance de son crâne à un écran pour l'input lag. Quoi? Oui, t'as pas vu Tokido qui met un qui Non! il a une, un mètre, tu vois, qui tire Mais. entre son nez et l'écran pour être sûr qu'il soit à 30 ou Qu'il est à la bonne 40 cm. distance, ouais. Ah, Ouais, mais voilà. non! Bon, Fudo, il passe plus de temps à se prendre en photo à manger des ramen ou avec des pieds à moitié à poil, et ben juste Monk, il a maigri. Donc, Ouais, voilà, bon, quand c'est un Wong a jeu. maigri, j'ai vu, je me suis dit, il y a une entour, le C'est petit, il un. y a une Mais non, mais attendez, il est papa aussi, c'est pour ça, là, déconnez pas. Bah oui, non, mais Bah, t'as. justement, normalement, c'est l'inverse qui se passe, tu Bon, je trouve ce jeu complètement diabolique, hein. Il détruit les gens, hein, et Non, on continue à y jouer. Hein. mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui, pour eux, c'est vraiment le bullshit job, quoi. Tu vois, c'est. On joue à Street 5, bon, bah, voilà, il y a l'argent, il est là, faut Ouais, non, aussi. mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils en tirent, Capcom? Parce que genre j'ai l'impression, genre ils ne sortent pas de contenu payant dans le jeu. Enfin, comment ils font de l'argent? Alors, en ce Je moment, il n'y a comprends rien du pas. tout, là. Non, non, il n'y Y a a rien. rien. Et Putain. ben pourquoi mettre claquer 200 000 balles faire la promo d'un truc où tu vas pas sortir un produit à vendre dedans? Enfin, ça a aucun sens. Bah, je sais Bah, pas. en fait, Je comprends pas. C'est moi, je me un. rappelle d'une. Je sais pas, il y a une époque où Daigo faisait du stream Twitch quand il était partenaire. Oui, je m'en souviens, ça, qu'il Et faisait ça, ouais. en fait, bon, il avait fait je crois qu'il avait fait un truc, je crois que c'était avec Fudo et puis je crois qu'il y avait Kazunoko aussi. Oui, il se foutait de la gueule. Rappelez-vous de l'époque de Pokémon, le jeu de combat Ah sur oui, Pokken. Pokémon, voilà. Oui, Et mais il a donc, toujours une scène, ce jeu. Et donc Daigo se fout un peu de la gueule de Fudo en lui disant mais il faut vraiment être un sac à merde pour aller faire un tournoi de ça, parce qu'en fait Fudo expliquait qu'il allait faire le tournoi la semaine d'après, etc. Et en fait Fudo, mort de rire, lui dit mais toi t'as rien compris, il y a un cash prize à 50 000 dollars, c'est des Japonais, personne sait jouer, moi je vais y aller et en gros je vais rafler le prix et à moi le pognon quoi. Et malheureusement, je pense qu'ils sont tous dans cet état-là, c'est que tous ces joueurs-là, qui sont très talentueux, restent sur ce jeu-là parce que c'est celui qui a Ah les plus gros cash prize. ah, ça c'est Ah certain. oui, ça Le c'est fric est là. sûr. Ça c'est sûr. Et Capcom, je pense qu'ils perdent de l'argent là-dessus parce qu'ils arrosent quand même de façon assez mémorable le jeu, mais c'est ce qui permet de faire vivre le jeu, quoi. Oui, Mais non, mais on est il d'accord. génère quoi le jeu derrière Non, ça? mais J'arrive c'est. pas à comprendre. C'est, ça Mais génère rien! quoi? Mais C'est c'est Non, du coup, mais. c'est de la perte pure. Enfin, ça C'est sert à le quoi? nom. Non, mais Voilà, c'est Kilvan. juste pour garder le nom, quoi. Kilvan, tu te souviens de la crise des subprimes en 2008? Bah, c'est ça. C'est une bulle spéculative. Il n'y a rien derrière. Mais il y a du. Non, mais c'est vrai, mais il y a du pognon qui est Non, injecté mais. non-stop. Mec, t'as Par sorti contre, ça non, quand mais. il a été vendu deux fois, je crois, Non, mais. C'est Kilvan, incroyable, mec. on se bat en France pour rediffuser les mots. Hein. Enfin, je veux Non, mais dire, les... Oui, mais Webedia les... en premier, etc., sortent des chèques pour avoir le droit de rediffuser. Je veux dire, Ouais, mais Capcom, les... ils se financent comme ça. Ah, tu Bah crois? oui, voilà. Bah ouais, c'est Ouais. pas. D'accord. C'est tout, ils s'emmerdent pas, en fait. Ils sont pas plus chiés que ça, quoi. Bon, moi, ouais. En tout cas, voilà, le roster, il est quand même pas mal... Mince, j'ai perdu le mot. Garni? Hétéroclite, voilà. Ouais, tout à fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. C'est plutôt sympa. Voilà, au niveau des déceptions, voilà, je pense qu'on est clairement sur Street 5. Et puis, voilà, Samouraï, je pense que ça va être aussi une petite déception. Dragon Ball aussi, ça va être un peu ennuyeux à regarder. Mais sinon, le reste, cette année, je suis quand même assez content du roster de l'Evo. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Après, à voir qui va perf. Mais bon, maintenant, l'Evo, de toute façon, c'est devenu tellement un spectacle énorme avec leur nouvelle scène et tout. Là, ça va être. L'ambiance est là. Après, bon, moi, je sais que ça fait des années maintenant que je suis trop vieux pour ces conneries. Donc, je regarde En jamais la direct, nuit. bah La dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'était en 2014, là où Luffy a gagné. Je sais plus si c'était en ouais, 2014. 2014. Hein. Ouais, voilà. Depuis, je peux plus. Hein, j'ai besoin de dormir. Mon corps a besoin de récupérer. Mais voilà, ça va être intéressant. En tout cas, on vous en reparlera des résultats quand l'Evo se sera passé. Mais voilà, Ouais. cette annonce était plutôt sympa. Et ben voilà, ça conclut notre épisode du comptoir du cercle. 1h16, 48 secondes. C'est plutôt best-of, Conséquent. maxi best-of. Voilà. On Ouais. a fait un peu plus long, mais voilà, Le je pense golden que menu. Ouais. ce format est pas mal. Ça nous donne l'occasion de parler de ce qu'on veut, et puis on a plusieurs sujets en réserve, donc on peut toujours vous parler de plein de choses. En tout cas, bah, merci d'avoir suivi, hein. Merci à toute l'équipe de s'être réunie une nouvelle fois, et puis on vous dit évidemment à très bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast, hein. On vous le dit pas souvent, mais nous aussi on a besoin de sous, on a besoin de vivre, de payer notre croissant le matin. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, puis tout simplement, si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à le partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Et ben Comme diraient écoutez, les influenceurs, le pouce bleu et la cloche. oui, C'est voilà, c'est ça. Oui, voilà. bien Tout évidemment. à fait. En Le tout don cas, PayPal, voilà, le Tipeee, le Utip, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, laissez-nous tranquille. Allez, merci à tous et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut les amis. Salut. Ciao. Salut.